avez reconnu l'émission que nous faisons ce matin. Bien oui, Bric-à-Brac, nous sommes encore présents ce matin. Alors nous recevons ce matin une invitée, Magali. Bonjour Magali. Bonjour. Magali qui va nous se présenter en fait. Oui, tout à fait, je présente une association canine qui se trouve à Sarrian. Voilà, parfait, donc nous nous retrouverons tout à l'heure. Claudie, bonjour Claudie. Ah, pardon, excuse-moi, j'avais pas mis le micro. Oh, bah alors, oh, bonjour bah alors. À vous. Voilà, on me bonjour. Coupe la parole. Et bonjour Josie. Bonjour Momo. Alors, mercredi dernier, il paraît qu'on a eu un petit souci. Mercredi dernier, donc, on a eu un petit souci, hein. Un gros. Un petit souci. Malheureusement, nous nous en excusons. Nous n'avons pas pu émettre et faire notre émission comme nous faisons d'habitude. Oui, nous avons eu 3 coupures sur Monteux et l'ordinateur n'a pas voulu redémarrer. Donc, voilà. On s'est retrouvé quelques heures sans pouvoir émettre et notre émission a sauté. Mais on la fera un peu plus tard parce qu'on est allé rencontrer la personne qui devait venir et. Voilà, l'épicurium viendra parler de la fête de la courge fin octobre. D'accord, Claudie. Bon, tu veux nous dire le programme? Voilà, je vais vous dire le programme. Donc, nous allons avoir un petit entretien avec Magali qui va tout nous raconter sur son association qui se trouve à Sarrian, qui s'appelle Le Petit Refuge. Oui. Voilà. Après, culture, un film avec Josie, un livre avec Claudie, sorties diverses, Josie, Claudie. Hein, on fera un mélange. Sorties insolites, les trucs de mamie et les courses de Momo. Voilà. Bon, mais Magali, c'est moi qui prends le relais. Hein, c'est parce que Claudie, elle va vous sûrement aussi vous poser des questions. Magali, donc ce petit refuge que vous avez créé et dont le siège social est à Sarrian. Oui. Je voulais savoir au départ, bon, on va quand même juste dire que c'est une association qui est, on va dire, qui aide les. Qui est au. Enfin, comment dire, qui sauve les animaux qui sont ou maltraités ou en abandon et que vous recueillez afin de les replacer, c'est ça? Tout à fait, on les met en famille d'accueil. Ouais. Alors quand c'est des abandons, on les met en famille d'accueil. S'ils sont pas à jour de leur vaccin, identification, on le fait par notre vétérinaire à Jonquière. Et en même temps, on les fait stériliser et castrer. Et donc, qu'est-ce qui vous a au départ donné cette idée? Alors au départ, on a eu, on va dire, quand j'étais plus jeune, j'ai grandi avec des chiens. Par la suite, j'ai eu mon premier appartement où j'ai pris un chien qui avait 7 mois, qui était maltraité. Donc je l'ai remis, on va dire, en forme. Voilà, c'est le cas. Voilà, je l'ai reconfié à une personne. Et quand je suis venue habiter à Sarrian, il y avait une annonce qu'une personne donnait un chiot d'un mois et demi. Si personne la prenait, elle allait être tuée. Donc je l'ai récupérée, je l'ai. Elle a 9 ans et demi actuellement. Et de là, ben, j'ai fait, on va dire, j'ai passé mon diplôme de toiletteuse, auxiliaire en soins animaliers. Et de là, j'ai créé, on va dire, j'étais famille d'accueil pour notre association dans les Bouches-du-Rhône pendant 4 ans. Et à la fin, j'ai dit, bon, je vais créer mon association avec une amie. Et de là, on a créé votre association. Merci. Voilà. Et on va faire une petite pause et après, on reprendra et d'accord. Je poserai quelques questions. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. train that's over now. There is no other way. Some days we'll be lost. We run out of words to say. We both know there is no other way. There is no other way. There is no other way. No other way. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9 avec Magali, qui a une association, Le Petit Refuge à Sarrien, et qui recueille... Est-ce que vous recueillez que des chiens? Non, on recueille aussi des chatons et des chats. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de place pour eux. Donc, si les personnes peuvent garder les chats ou les chatons chez eux, c'est le mieux. Et nous, on diffuse, on va dire, à fond. D'accord, les gens gardent leurs chats et oui. Vous faites de la publicité pour tout les donner. Fait. Voilà. Et est-ce que c'est facile de monter une association telle que la vôtre? Oui et non. Alors, il y a de l'administratif, évidemment. Qui est lourd. Qui est très, très, on va dire, compliqué et simple à la fois. Il faut être minimum 3 membres du bureau, présidente, secrétaire et trésorière. Et après, il faut avoir un cœur d'acier. Oui, je m'en doute. Et comment financez-vous votre association? C'est pas facile, hein? On a certainement, on a des fois des dons extérieurs et on a une subvention de la mairie de Sarrien. Ah, quand même, oui, ça vous aide un peu. Elle est petite, mais oui. Oui, elle, ça. Oui, elle est petite et on reviendra plus tard par rapport aux manifestations que vous allez faire pour essayer de remplir à votre caisse. Tout à fait. D'accord. Donc, comment vous gérez vos chiens, vos chats? Vous avez des locaux, vous avez une famille d'accueil, et comment vous trouvez ces familles d'accueil? Donc, on n'a pas de refuge. Ils sont tous en famille d'accueil. Donc on a une famille d'accueil qui est spécialisée, on va dire, dans l'appartement. C'est ma mère qui est sur Bagnols-sur-Cèze. Elle vit en HLM et elle nous fait les tests appartement. Donc elle les garde minimum 3 jours. Si le chien supporte très mal l'appartement, on le reprend. Au sens, elle les garde des mois et des mois. Oui. Voilà, tant qu'il n'est pas adopté. Après, on a une famille d'accueil à Bedouin qui fait chat et chien. Là, on a une famille d'accueil nouvelle sur Aubignan. Ils ont des jardins, ces gens-là? Pas forcément. Pas forcément. Alors, Bedouin, oui, il y a un jardin. Aubignan, il y a une petite cour. Il y a 2 familles d'accueil sur Orange. Une pour les chiots et une pour des adultes. Et une sur Camaret. Et comment ça se gère? Est-ce que c'est pour la nourriture? C'est vous qui donnez Alors, tout ce qui est frais vétérinaires, nous, on les prend en charge. D'accord. Et nourriture, si besoin. Sinon, c'est les familles d'accueil qui... Voilà, qui, s'ils peuvent se permettre... Et le problème, est-ce qu'ils ne s'attachent pas aux animaux? Moi, malheureusement, si. Hein? Donc, mais bon, on explique très bien que le chien peut rester comme une journée, voire des mois, voire un an ou deux, comme on a eu un croisé berger qui avait 3 amis qu'on a sortis du refuge. Et on essaye de changer de famille d'accueil. Quand ils arrivent plus à 6 mois de famille d'accueil, on essaye de changer. Et est-ce que ça vous est arrivé qu'une famille d'accueil... Adopte. Tout à fait. Je pense que ça doit arriver. Hein, parce que... Tout à fait. Là, j'avais mis un chiot en famille d'accueil et au bout d'une semaine, elle a dit je le garde. Ah ben voilà. Moi, j'ai bien gardé une chienne qui vient de la Guadeloupe. D'accord. En ce qui concerne les chiens que vous recueillez, il y en a certains. Il y a certains chiens qu'on dit classe en catégorie. Oui. Dangereux. Et vous avez obtenu quelque chose pour les avoir ou pas? Ou vous avez passé un diplôme ou... J'ai passé mon permis de détention. Donc, parce que moi j'avais la gendarmerie de Cadenet j'avais contacté la gendarmerie de Cadenet parce qu'il y avait un croisé staff. Je l'ai récupéré, je me suis mis à jour, on va dire. Et c'était un chien qui était très très gentil. Après, il ne faut pas se focaliser que c'est un croisé staff, qu'il était très méchant parce que j'ai 4 enfants. Donc, oui, donc vous savez ce que vous faites, hein, vous savez ce que vous faites. On fait une petite pause, on se retrouve après. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mano. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, mano. Sabrosito, vamos a bailar. FM 89.9 avec le petit refuge et Magali. Magali, je crois qu'on était en train de parler d'une histoire d'un staff. Oui. Qui sont classés normalement. Alors ça dépend. Catégorie 1, s'il est typé, s'il n'a pas le LOF. LOF, c'est quoi? C'est les papiers d'origine. D'accord. Le pédigré. Merci, le pédigré. Voilà. Et s'il a le pédigré, c'est catégorie 2. Donc il y a moins d'ennuis. Il n'y a pas besoin de castrer, de stériliser. Je sais qu'on ne doit pas trop donner notre avis personnel au sein de la radio, mais je pense que le chien est aussi la conséquence de ses maîtres qu'il a eu au départ. Tout à fait. Voilà, le chien, comment on l'a élevé. Voilà. Ah oui, moi j'en ai eu un de 1 an et franchement, c'était une patte. Et quand vous avez un chien de catégorie dangereuse, je crois qu'il faut aller le déclarer tous les, je sais pas, les 6 mois, non? C'est pas ça? Non, alors déjà, quand on a un chien en catégorie, déjà, il faut avoir un permis de détention, d'accord, le casier vierge et une assurance. Après, si c'est un catégorie 1, il n'a pas le droit d'aller dans les lieux publics. Même avec la muselière? Tout à fait, c'est interdit. Ah d'accord, c'est strict. Hein. C'est strict, même pas dans les cours de dressage, même que oui. C'est eux qui ont droit plus besoin. Ouais, oui, bien sûr. Ils n'ont pas droit d'y abser. Il n'y a que les catégories 2 où c'est permis et même dans les lieux publics. Dans les catégories 1, il y a des chiens qui sont d'office catégorie 1 où ça peut être n'importe quel chien du moment qu'il est mauvais, méchant. Non, pas du tout, c'est les races. Tout ce qui est, voilà, c'est des races, c'est les croisés staff. Comme les mastifs, non, les pitbulls, d'accord. Voilà. D'accord. Eh bien, le pauvre chien. Et c'est comme le staffy, il faut faire attention au staffy. Staffy, c'est quoi? C'est les petits chiens qui ressemblent au staff. Mais en un petit, miniature. Un petit. Un petit. S'il a le LOF, il passe, il n'est pas catégorisé. Mais s'il n'a pas le LOF, il est catégorie 1. Et pour les catégories 1, toute personne peut avoir un chien de catégorie 1? Oui, il faut être majeur, obligatoirement. D'accord. Et le casier vierge. C'est quand même c'est assez strict. Et moi j'avais une amie qui avait un chien en catégorie dangereuse. Je sais qu'il fallait qu'elle aille de temps en temps au commissariat, je crois. On pose un dossier à la mairie ou à la police municipale. Parce qu'après, c'est le maire qui décide si le chien a droit de vivre dans la commune ou pas du tout. Et pour les catégories 1, j'interviens parce que ça m'intéresse. Catégorie 1, donc ils n'ont pas le droit de sortir dans lieu public. Il y a obligatoirement une maison avec un jardin, ce chien. Il ne peut pas vivre en appartement. Pauvre bête, sinon. Après, un appartement, mais il faut vivre à côté d'une forêt. On va dire, promener en laisse muselière dans une forêt. D'accord. Wow. Oui, c'est une vie de prison. Tout à fait. Ah, tout à fait. Ouais. Ouais, ça nous laisse, perplexe, mais bon, c'est vrai que... Ça peut se comprendre. Oui. Ça peut se comprendre, mais c'est grave d'être arrivé à ce point, quoi. Ouais. Je veux dire, un animal. Et est-ce qu'il y en a beaucoup, justement, en France, de ce chien en catégorie dangereuse? Oui. Tout à fait. Mm. Il y en a beaucoup, et certains refusent, ne le font pas adopter. Mm. Donc, il reste derrière, malheureusement, des barreaux. Oui, c'est triste. Hein, donc, nous, on est en plus en catégorie 1. Nous, association ou refuge ou SPA, n'ont pas le droit de le céder. Donc, le chien reste au nom de l'association jusqu'à sa mort. Oui, d'accord. Mais c'est la famille qui est responsable de son chien. Et des agents de sécurité que l'on voit déjà dans les parkings. J'allais poser un peu ce système là de questions. Ils n'ont pas le droit, mais nous on évite. Parce que quand nous un chien rentre dans l'association, il n'est pas agressif. D'accord. Et il y a certains agents de sécurité qui montrent que le chien est agressif et nous on veut pas. Ouais, c'est comme une arme. Hein. Tout à fait. Voilà, on va faire une petite pause et après on vous demandera de quoi vous avez besoin. D'accord. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub, sans pub. Yeah. voilà, revenu sur Fly FM 89.9 avec Magali qui s'occupe du petit refuge. Magali, est-ce que vous cherchez de nouveaux bénévoles? Oui, on recherche des familles d'accueil, surtout, en prioritaire, ou mieux des adoptants. D'accord. Oui, c'est encore. C'est encore mieux. Mieux. Parce qu'on a des chiots en attente de familles d'accueil ou adoptants. On a des chiens adultes également et des chats. Et vous allez avoir, je crois, une portée qui va arriver là. Oui, tout à fait, dans 2 semaines. Voilà. C'est quoi comme On va dire des croisés border qui vont faire entre 20-25 kilos. Ça voire va, un peu plus. Ouais, ça, on n'a pas le père, donc. Oui. On sait pas. C'est la surprise. La surprise, parce qu'en plus, on peut avoir plusieurs papas. Donc, oui. Eh ben oui. Oui, oui, ça arrive. Ça fait un même mélange, ça. Tout à fait. Du moment qu'ils sont adorables, en plus. Et on voulait vous demander comment vous faites pour vous faire connaître, pour ramasser un peu des fonds. Alors, déjà, on a Facebook. Oui. C'est un support très intéressant. Après, on dépose des annonces sur Le Bon Coin. Parce que Le Bon Coin nous fait maintenant actuellement payer. Moi, quand je cherchais mon chien, je suis allée voir. Voilà, il nous fait payer, comme on est professionnel, il nous fait payer actuellement. Ou si on fait des vides de grenier. Mais professionnel, vous n'êtes pas professionnel, vous êtes association. Oui, mais association, c'est, on a un numéro de Siret. Donc pour eux, c'est professionnel. Oui, d'accord. Voilà, et on fait des vides de grenier sur Sarian. On fait des goûters spectacles, on fait des soirées pour nous faire connaître. Bien sûr, et pour un peu rentrer. Tout à fait. On va les annoncer tout à l'heure, les dates. Oui. On les annoncerait tout à l'heure parce que je crois qu'elle a 4 dates à donner pour les festivals. Et je crois que vous avez besoin de dons. Oui, alors on a besoin de couverture. Alors surtout pas de couette parce que les chiots et même les adultes les déchirent et les mangent. Donc après, c'est frais vétérinaire derrière. Oui. On va éviter. C'est dur à digérer. Voilà. Après, tout ce qui est dons de croquettes également, vu qu'on a beaucoup de chiens, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous ne pouvez pas vous faire sponsoriser par une marque? Non. Je pense pas. Ah, d'accord. On avait pris avant Royal Canin, malheureusement, et on a vu que nos chiens n'acceptaient plus les Royal Canin. Ah ouais, ils avaient une overdose de tout Royal à fait. Canin. Et vous pouvez nous dire où c'est qu'on peut vous contacter pour ou être famille d'accueil ou adopter. D'accord, donc c'est sur mon portable au 06 45 23 28 10. Et vous avez une adresse mail? Oui, tout à fait. Tout en minuscule, tout accroché, c'est lepetitrefuge@hotmail.fr. Voilà. Et on peut donner des chèques aussi si on a envie. Des dons, il n'y a pas de souci. Voilà. Au pire des cas, vous l'amenez, si vous êtes de Sarian, vous l'amenez au pressoir à Sarian. Voilà, donc, c'est au siège social. Votre siège est un. Bon, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Oui, juste, il faut lui dire que sur le portable, il faut appeler de 9h à 17h dans les heures normales. Oui, c'est parce possible. Que vous avez des enfants. Tout à fait. Bien sûr. Je pense, Claudie, on va déjà parler des festivités parce que je crois qu'elle en a 4. Ça va des tout petits. Comme pour les célibataires, les adultes, ce qui est prévu dans son planning. Tout à fait. Alors, si vous voulez le dire, Magali. Alors, ce dimanche à 15h30, le 2, tout à fait. À la salle des fêtes de Sarian, on a un goûter spectacle. Donc, c'est spectacle de magie avec Roudoudou. Donc, c'est pour les grands, pour les petits, pour tout le monde. C'est à quelle heure? 15h30. 15h30, voilà. Donc, il y a une buvette également. Après, le 9, 10, 11 décembre, il y a le marché de Noël. Oui, sur la place. Sur la place Jean Jaurès avec toutes les associations de Sarian. Et après, le samedi 21 janvier. Là, c'est pour les grands. C'est pour les grands. Les mineurs sont refusés automatiquement. C'est une soirée célibataire. Donc, les couples sont bien sûr acceptés. Donc, il y a un DJ qui vient de très loin. Oui, vous m'avez dit de Dordogne. Tout à fait. Je connais quelqu'un qui va y aller. Ah, en plus, années 80. Voilà, c'est les années 80. Tout maintenant. Ce qu'elle aime. Avec un repas. Avec un repas, donc l'entrée c'est 15 euros. Oh, c'est raisonnable. Pour le repas, et sans repas, c'est 10 euros. Alors, bien sûr, il y a un petit Sam dans la voiture aussi. Ah, d'accord. Il y a un Sam, donc ça veut dire que s'il y a un conducteur, il ne doit pas boire. De toute manière, il y a des vigiles. Et c'est à quelle heure? C'est à partir de 18h30 pour les personnes qui viennent manger et 22h pour ceux qui viennent pas manger. Et c'est vous qui organisez tout ça? Oui, tout à fait. Juste un truc pour réserver. Alors, on va commencer les réservations vers mi-décembre pour laisser bien un mois. Alors, on va encore réfléchir aux moyens. Si on se donne rendez-vous sur Sarian, si je loue une salle et moi, on aura une journée. Moi, je vous conseille de nous contacter. C'est ce que j'ai fait. Voilà, et comme ça, vous mettez vos affiches, on les met sur notre page Facebook. Il n'y a pas de souci. Et vous aurez du monde, vous inquiétez pas. On fait pas une petite pause. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Sans pub. soir, même qu'il pleuvait des cordes. Mais je crois t'avoir vu au bas d'un immeuble, boulevard de Vérone. Je pensais t'avoir plu un beau jour de juin où l'on marchait tout comme comme deux amants perdus qui n'ont peur de rien puisqu'ils croient encore. Mais je crois t'avoir vu le long d'un trou de soir, tu étais ivre mort. Je pensais n'avoir plus à lever la tête et à soulever ton corps. J'espérais t'avoir cru quand tu disais qu'un jour on fuirait vers le nord. Comme deux amants perdus qui n'ont peur de rien puisqu'ils croient encore. Mais c'était juste une ombre, c'était juste une silhouette qui ressemble à toi, c'était juste une ombre. Je recherche quiconque te ressemblera. Mais c'était juste une ombre, c'était juste une silhouette qui ressemble à toi, c'était juste une ombre. Je recherche quiconque te remplacera. Milieu d'une arène. Je crois que t'as confondu, t'étais blonde ou brune, la trouvais-tu mignonne? Mais je crois t'avoir vu croisant son regard, la main sur son épaule. Je crois t'as confondu, c'est pas la première fois que ton cerveau déconne. Mais c'était juste une ombre, c'était juste une silhouette qui ressemble à toi, c'était juste une ombre. Je recherche quiconque te ressemblera. Mais c'était juste une ombre, c'était juste une silhouette qui ressemble à toi, c'était juste une ombre. Je recherche quiconque te remplacera. Mais je crois t'avoir vu pas plus tard qu'hier. Je te distingue dans le monde des images de toi. J'en vois 25 à la seconde. Et je crois t'avoir vu de mes propres yeux. J'en suis presque sûr. Je mettrais ma main au feu. Mais c'était juste une ombre, c'était juste une silhouette qui ressemble à toi, c'était juste une ombre. Je recherche quiconque. Mais c'était juste une ombre, c'était juste une silhouette qui ressemble à toi, c'était juste une ombre. Je recherche quiconque te remplacera. Je recherche toi, moi. Je recherche toi, moi. Je recherche toi, moi. Je recherche toi, moi. Rebonjour sur Fly FM 89.9. Bon, Magali, on se reverra, Oh, ben on va y arriver. Oh, on se reparle tout à l'heure pour rappeler les dates et votre numéro de téléphone ainsi que votre site. D'accord. Par contre, moi, on va continuer l'émission avec la culture. Voilà. Je vais attaquer avec le film. Je l'avais sélectionné la semaine dernière, manque de peau, on a eu ce petit problème technique. C'est Victoria. Un film qui est sorti donc le 14 septembre, qui dure 1h36, et de Justine Triette, avec Virginie Efira, Vincent Lacoste. Et c'est une comédie dramatique, nationalité française. Il a été nominé déjà trois nominations pour ce film à Cannes en 2016, avec une séance spéciale, et aussi au niveau de la semaine de la critique internationale, et une au festival du film francophone d'Angoulême, où Virginie Efira est coprésidente du jury cette année. Donc en fait, c'est Victoria Speak, c'est une avocate pénaliste en plein élan sentimental qui débarque à un mariage où elle y retrouve son ami Vincent et Sam, un ex-dealer qui est sorti d'affaires. Mais bon, le lendemain, Vincent est accusé de tentative de meurtre par sa compagne. Et le seul témoin de la scène, ben, on revient sur Magali, c'est un chien. C'est un chien et c'est le chien de la victime. Bon, les chiens, malheureusement, ils ne parlent pas. Bon, des fois, ils peuvent reconnaître, hein. Et Victoria accepte à contre-cœur de défendre Vincent, tandis qu'elle embauche Sam comme jeune homme au pair. Eh bien, c'est le début d'une série de cataclysmes pour Victoria. C'est une comédie romantique à l'américaine avec du réel, du social, du burlesque. C'est aussi le portrait tragicomique d'une femme dans la tourmente avec une Virginie Efira qui est drôle, sexy, paumée et touchante. C'est vrai. Il y a de la sexualité sans rien être vulgaire ni montrer quoi que ce soit. Et pour camper ce rôle, elle avait choisi Virginie parce qu'elle l'avait vu dans une comédie qui s'appelait, bon je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Romantique 20 ans d'écart. Non, je ne l'ai jamais vu. Et elle est aussi, elle a été inspirée par Virginie parce qu'elle l'a vu, par contre ça en connaît un peu plus, bon, enfin moi je connais, l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue, vous connaissez ? Oui, mais je n'ai jamais regardé. Et ouais, alors Virginie avait été accompagnée par ce monsieur, alors, je ne sais pas le nom, là, qui l'amène sur une terre inconnue et c'était en Mongolie. C'est vrai que c'est une femme, elle est sexy, oui. Mais elle est nature. Oui. Je crois qu'elle a mélangé les deux et ça fait partie de son charme. Donc je pense que c'est un film pour les dames. Voilà. Oui, c'est vrai, il y a des films pour les dames. Peut-être que le chien, à la fin, il va parler. Bah, hein, mais oui, bon. On va le mettre sur la télénette. Je vais arrêter de dire qu'est-ce qu'elle en pense, Magali. Le chien, il va parler à la fin. S'il parle pas, mais il parle avec les yeux. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'un chien a un regard très profond. Tout à fait. Est-ce que je vais vous parler de mon petit livre ? Ah oui, c'est pas un petit livre, c'est un grand livre. Donc ça s'appelle La petite femelle. Et moi, quand j'ai vu ce titre, femelle, c'est pas un mot qui me plaît. Donc au départ je n'ai pas lu ce livre. Puis après bon, je me suis laissé tenter parce que c'est quand même un procès. Alors j'adore les procès moi. J'adore ça. Tout ce qui est judiciaire, ça me plaît. Donc c'est un roman qui est sorti en 2015 et qui est de Philippe Jaédana. Et ça s'est passé dans les années 50. Donc c'est un procès. Un procès qui a été très retentissant. C'est l'histoire de Pauline Dubuisson qui est accusée, pardon, je bégaye, d'avoir tué de sang-froid son amant, un fils de bonne famille. Alors tous deux sont deux jeunes gens beaux, étudiants en médecine, originaires du Nord. Mais si Félix est doux et gentil, romantique, confiant, gauche, assez lisse et naïf, Pauline, elle, est une manipulatrice charmeuse, mais que la vie a malmenée. Mais on se demande qui est cette femme ? Elle est intelligente, narcissique, et toute la France réclame sa tête. Parce que, justement, pour eux, c'est une petite femelle. Est-ce que c'est une arriviste froide et calculatrice ? Un monstre qui a été tondu pour avoir couché avec les Allemands pendant la guerre, alors qu'elle avait 4 ans, elle avait 13 ans. Mais il faut savoir que c'est quand même son père qui l'a précipité dans cette situation. La pauvre, elle était jeune, hein ? Oui, oui. Donc ça l'a rangé, tu comprends ? Il faisait des affaires. Donc il a vendu sa fille, quoi, quelque part. Donc cette fille, ça l'a un peu traumatisé. Ou est-ce que, au contraire, c'est une jeune fille libre qui revendique avant l'heure son émancipation ? Voilà, tout ça, c'est la question. Alors, ce Philippe Jaédana a cherché vraiment, a suivi la vie de Pauline dans tous les détails. On suit sa vie et franchement, c'est une fille, elle est étonnante, dans un sens comme dans l'autre. Et c'est une véritable enquête policière qui retrace la quête de Philippe et il a mené cette enquête pour lui rendre justice. Bon, mais il faut quand même pas oublier que Félix, ben, il est mort, hein. Donc il est un peu laissé de côté, quoi. Je pense que Philippe Jaédana est tombé amoureux de Pauline Dubuisson, qui était très charmante. Voilà. Alors c'est la place des femmes dans la société, la presse, l'attitude des journalistes qui voulaient vraiment que Pauline soit dépeinte comme un monstre. Voilà. J'aime bien tes livres. Tu passes. C'est vraiment, franchement, des choix différents. C'est un récit hyper. Enfin, moi, ça m'a vraiment très. Presque, je le relirai, tu vois. Et tu apprends des choses. Une petite pause musicale, les filles. Oui, oui, voilà. Parce que sinon, on fait des petites pauses. Parce qu'alors, tu sais, nous, quand on a commencé, on s'arrête plus. C'est bavard. Hein. Allez, à tout à l'heure. C'est dur, le meilleur des hits. Le meilleur des hits. Which way is right? Which way is wrong? How do I say that I need to move on? You know we had this separate ways, and it feels like I am just too close to love you. There's nothing I can really say. I can't lie no more, I can't hide no more. Got to be true to myself. So much that you deserve. There's nothing to say, nothing to do. I'm nothing to give. I must leave. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9 et Josie va nous parler d'une sortie culturelle. Eh ben, après le livre de Claudie, autant rester dans les livres, hein, puisque à Veden, ce samedi 1er octobre de 10h à 17h dans le cœur du centre-ville, vous avez donc la journée du livre avec diverses manifestations et associations aussi. Avec, ça commence à 10h rue Frédéric Mistral et au Jardin des Hirondelles, avec aussi à l'impasse Camille Claudel, le chemin des mots, des animations, des expositions. Des hameaux des bouquinistes rue de la République, des auteurs rue Frédéric Mistral. Alors je ne connais pas Veden, mais je pense que ça doit être tout dans le village, il y a des parkings autour. Vous avez donc rue Frédéric Mistral, des auteurs, des rencontres, des dédicaces, de l'artothèque. De l'art quoi ? Artothèque. Alors c'est de l'art. Ah oui, ça doit être une, comme une bibliothèque, mais c'est pour l'art. Voilà, ouais. Des expositions de peinture et des livres d'art. Qu'est-ce que vous avez dans la rue ? Il y a des peintres, il y a la bibliothèque pour tous, des rallye-vreux, jeu d'énigmes en famille. Jeu de mots. Voilà, le jardin des hirondelles, il y a les auteurs, les rencontres, les dédicaces. Il y a donc, vous avez de l'écriture de 10h à 17h. Vous avez les ateliers d'illustration tout au long de la journée, sauf entre midi et 2, des lectures gourmandes au jardin, des contes farfelus pour les enfants à partir de 3 heures. Mmh. Ça, c'est de... À partir de 3 ans. Ça, de 3 ans. Voilà, de 11 à 15h30, j'ai fait mes mélos. Et vous avez la pause déjeuner, vous pouvez vous restaurer chez les commerçants et il y a une buvette théâtrale et une parade avec l'association Plaisir de jouer. Alors, c'est samedi tout ou dimanche. Tout ça, c'est toute la journée de 10h à 17h. Samedi. Voilà, avec bon, des auteurs, des rencontres, des expos. C'est sympa, hein, franchement, ça donne envie d'y aller. Hein. pour ceux qui aiment lire, et je trouve ça super. Oui, puis même c'est mélangé, théâtre, art, sympa. Et moi, pour continuer dans l'art, je vous amène à Bormes de Venise avec le Trac. Et pour dans le cadre du 400e anniversaire de la mort de William Shakespeare, bien sûr, le Trac donne deux représentations, enfin ils ont commencé avant, mais comme la date est passée, deux représentations à la salle Fracasse à Bormes, 217 place du marché. Mise en scène par Vincent Ciano, il est très connu, et puis ça fait longtemps qu'il fait du théâtre. C'est le samedi à 20h30 et le dimanche à 17h. Donc le Trac vous invite à découvrir sa nouvelle pièce pour le 400e anniversaire de la mort de Shakespeare. Mais ce n'est pas une pièce de Shakespeare. C'est une fable qui raconte l'histoire vraie en Irlande, dans les années 60, de jeunes mamans qui ont fauté. Il y a un film qui passait avant-hier, Philomena, ça me fait penser à ça. Donc, quand les femmes avaient fauté, on leur enlevait leur enfant et on les faisait adopter, souvent en Amérique. Donc, on leur arrachait. Donc, ça va être... on va parler de ça. Et ces filles sont cloîtrées. Et donc, elles vont jouer des comédies de William Shakespeare. Et ça va leur aider, ça va les aider à vivre leur quotidien, là où elles ont été humiliées, séparées, malheureuses. Voilà, c'est une fable où se côtoient comme force d'évasion et d'amour la respiration vitale du rire et la quiétude sacrée malgré la rigueur, la douleur et les contradictions de l'institution. Tout ça, voilà, à travers cette pièce. Et l'entrée, c'est 5 ou 10 euros. Donc c'est pas excessif. Et le téléphone, c'est 04 90 65 05 85. 04 90 65 05 85. Et je vais y aller parce que j'en ai envie. Et c'est à quelle heure, Claudie? C'est à 20h30. D'accord. Et le dimanche, c'est à 17h. Alors? Le samedi, 20h30. Dimanche, 17h. Donc moi, je vais y aller dimanche à 17h. Dimanche à 17h. Mmh. Alors, si tu veux... Avant d'aller au théâtre, tu peux faire un massage samedi, tu amènes Alain, tu vas à Pernes-les-Fontaines, parce qu'apparemment Pernes ça bouge. Il y a le salon du bien-être bio. D'accord. Ça attaque samedi et dimanche au centre culturel des Augustins de 9h30 à 19h. C'est le 6e salon du bien-être. Bon, le week-end dernier, il y en avait deux aussi. Oui, c'est quand même ça le vent en poupée, ces salons de bien-être. Je crois qu'on en a besoin. Hein. Le bio, le bien-être, c'est très bien. Il y en a un peu souvent, on dirait. Ouais, il y en a un peu. Puis je crois qu'elle doit y aller, Josie, parce qu'elle est détendue, elle a mal nulle part. Quand on dort avec un chat qui prend toute la place et qu'on a mal au dos. Quelle idée de dormir avec un chat. Eh ben oui, ça c'est comme ça. Bon alors, nous sommes au 6e salon bio du bien-être par l'association Viva au Naturel, donc au centre culturel des Augustins. Il y a des producteurs locaux, de l'artisanat, des préventions santé, du bien-être, de l'habitat sain, ça c'est bien. Librairie écologique, tu vois. Des massages, des ateliers, de la restauration bio. Si vous voulez un peu plus d'informations, vous allez au 06 20, vous appelez. Oui, 06 24 32 74 73 et vous allez sur le site www.vivaonaturel. Mais on peut y aller comme ça. Oui, ça aussi. vivaonaturel.fr. Je crois que j'ai fait une erreur là. Non, je me suis là. Et vous aurez plus d'informations. Redis-moi, ça se passe. Au centre culturel des Augustins, de 9h30 à 19h à Pernes. À Pernes, mais il y a toujours des choses à Pernes. Il y a autre chose, j'en parlerai tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Allez, on se fait une pause. Fly FM. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. Fly FM. Une minute après l'autre, chaque jour reste le nôtre. Une heure après l'autre, chaque jour reste le nôtre, un pied devant l'autre, chaque jour reste le nôtre. C'est vrai, la distance nous fait un petit peu peur, un peu de hauteur, un peu de grandeur. On ne voit que le vide, on se voit tout en pleurs. Un peu de hauteur, un peu de douceur. On ne voit plus le cœur, on le sait voyageur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. C'est vrai, la distance nous fait un petit peu peur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. Une minute après l'autre, chaque jour reste le nôtre. Une heure après l'autre, chaque jour reste le nôtre. Un pied devant l'autre, chaque jour reste le nôtre. On est tout essoufflé, on se fait tous un peu peur. Un peu bafouilleur, un peu bagarreur. La proximité proximité nous fait un petit peu peur. On n'y voit plus rien, on ne voit que la fin. Et oui, tout disparu, ce petit air de rien. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. On a tout effacé, ne reste que les erreurs. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. Une minute après l'autre, chaque jour reste le nôtre. Une heure après l'autre, chaque jour reste le nôtre. Un pied devant l'autre, chaque jour reste le nôtre. Reste le nôtre. C'est vrai, la distance nous fait un petit peu peur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. On ne voit que le vide, on se voit tout en pleurs. Un peu de hauteur, un peu de douceur. On ne voit plus le cœur, on le sait voyageur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. C'est vrai, la distance nous fait un petit peu peur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. Chaque jour reste le nôtre. Une heure après l'autre. Chaque jour reste le nôtre. Un pied devant l'autre. Chaque jour reste le nôtre. Une minute après l'autre. De vache. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on est de retour sur Fly FM. Elle me distrait là, elle me parle de vinaigre blanc et moi je lui dis, j'ai parlé de bouse de vache. Bon, c'est pas le sujet. Bon, toi tu veux parler des ânes. Je te parle à la bouse de vache, il y a la bouse. On n'est pas loin. Donc bah, toujours à Pernes. Hein. Bon, voilà, on est vraiment. Monsieur Gabert, il fonctionne très bien à Pernes apparemment. Je fais pas de politique, mais c'est quelqu'un de très bien, qui aime bien le patrimoine, c'est assez bien. Ouais, ça c'est vrai. Et donc il y a la 5e fête des ânes. Alors les chiens, moi j'avais les chevaux mais on n'aura peut-être pas le temps. Donc ce samedi 1er octobre à partir de 9h autour de la place du Cormoran. Alors, je ne sais pas où c'est à Pernes, la place du Cormoran. Oui. Vous avez des ateliers pour les enfants, de l'artisanat local, une tombola, des balades en calèche. Et si vous voulez plus d'informations, vous appelez au 07 81 22 73 31. Ouais, je crois qu'il y a des animations, des ateliers, des hein. Oui. Ah, ce Perne, franchement, ils sont très, très actifs. Bon, et moi, je voudrais vous emmener dans un lieu insolite, en Vaucluse. J'aime bien, ça me plaît. Alors, et vas-y, dis-nous. Alors, c'est... voilà. C'est les sarcophages du cimetière de Mazan. Est-ce que tu es déjà allé? Ben, moi, non. Alors, il y a 64 sarcophages de pierre qui est vestige d'une nécropole chrétienne du 5e et 6e siècle. On les trouve alignés dans ce cimetière et la légende veut qu'ils étaient trouvés non loin de là, mais rien ne le confirme. Donc, ils les ont emmenés après. Et une autre hypothèse évoque la possibilité qu'ils ont toujours été là. Alors, donc, ça, on ne sait pas. Et la disposition actuelle elle date de 1858. Alors, on se demande qui était-il. On pense que c'était peut-être des chevaliers, peut-être des marchands, des dignitaires. La légende reste entière. Ils n'ont pas trouvé la réponse. Il n'en demeure pas moins que ces sarcophages sont à découvrir. Je ne savais même pas qu'il y avait ça à Mazan. Et dans ce petit cimetière, face au Ventoux. Hein? Ah, je ne savais pas. Moi non plus. J'aime bien trouver des trucs que je ne savais pas. Et entre trucs... Je vous donne quelques astuces de mamie. Oui, vas-y. Alors, je crois qu'en ce moment, je trouve que tout le monde est un peu raplapla, non? Vous ne trouvez pas, vous? Oui, hein? Si tu veux. Tout le monde me dit, je me dors mal, je suis fatiguée. Alors, à chaque coup de mou, il faut mettre du persil haché dans tous vos jus de légumes. Vitamine C. Au chaud. Vitamine C. Et le tour est joué. Le persil qui cru, hein, je crois qu'il ne doit pas cuire. Je crois le persil. Que c'est mieux, ouais, parce que voilà, c'est riche en nutriments et ça vous redonne un petit coup de boost. Et est-ce que ça vous est arrivé d'avoir une écharde que vous n'arrivez pas à enlever? Alors, pour l'enlever rapidement, vous désinfectez le doigt, ça c'est basique, et vous le trempez 10 minutes dans de l'eau tiède savonneuse. Un petit coup de pince à épiler et c'est terminé. Strong and beautiful, strong and beautiful. Le ciel blanc sur cette ville, c'est ça mon paysage. J'examine mon corps, je touche mon visage. J'ai quelques doutes sur mon sort, je reste sauvage. Mais si tu m'appelles, si tu m'appelles, pense à me trouver belle. Je fais des dessins bizarres et des quadrillages. 100 fois j'ai refait l'histoire, je rêve de voyage. Je compte encore sur mes doigts, c'est plus de mon âge. Le temps passe, je me vois coincée dans ma cage. Et si tu m'appelles, si tu m'appelles, pense à me trouver. Strong and beautiful, strong. Je fais des ravages, je m'invente des symboles pour remplir mes pages. J'écris des choses inutiles et des mots à l'envers. Je regarde immobile, le monde se défaire. Mais si tu m'appelles, oh si tu m'appelles, pense à me trouver. Fly FM 89.9 avec Magali. Magali, vous allez nous redire les dates, votre numéro de téléphone et votre site, afin qu'on ne vous oublie pas et qu'on vous contacte pour les dons. D'accord. Donc vous aide, les aides. Non. Voilà. Pour adopter un chien, faire famille d'accueil et qu'on vous signale peut-être aussi des cas de maltraitance. Oui, parce qu'on n'oublie pas, ouais. Effectivement, l'association est aussi dans la maltraitance, contre la maltraitance. Tout à fait. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 06 45 23 28 10 ou mon adresse mail, c'est tout accroché lepetitrefuge@hotmail.fr. vous avez notre site internet lepetitrefuge.jimdo.com. les manifestations, c'est dimanche 2 octobre à 15h30 à la salle des fêtes de Sarian, c'est un goûter spectacle de magie pour les tout petits et les grands. Pour les tout petits et les grands, 9, 10, 11 décembre pour marché de Noël et le 21 janvier pour la soirée célibataire. Les dons, ce qui concerne les dons matériels ou financiers, le mieux c'est de me contacter sur mon portable. Comme ça, on peut se donner rendez-vous sur Sarian pour se rencontrer. Et à savoir, pour les dons financiers, vous avez une réduction d'impôts. Oui, ça c'est vrai. 60%. 70%, tout à fait. 60, je crois. C'est... 60, 70. Oui, parce que nous aussi, on est une association. Voilà. C'est pas mal. Hein. Vous avez un reçu. Voilà, très bien. Je crois qu'après, il reste Monique, non ? Voilà, Monique, elle va nous parler de ses petites courses avec le temps qu'il fait. Ça doit être un plaisir. Voilà. Vous pouvez quand même faire du sport avec les animaux aussi. Hein. Ah oui, tout à fait. Dans la limite du chien, parce que des fois, je vois courir des gens qui courent à leur chien, et le chien... Le chien tire la langue. Il va nous faire un infarctus, le chien. Ouais, ouais. Ou alors, tu en vois aussi à vélo, avec le chien devant. C'est vrai. Ça m'a fait peur, oui. Moi, j'ai ma famille d'accueil qui fait 3 chiens en vélo. Après, il faut que le chien, il change pas pas de, de trajectoire. De trajectoire, ouais. Parce que alors là, c'est la gamelle, garantie. Bon allez, moi je vous ai sélectionné quelques courses à pied et du VTT. Alors je ne vous parle pas du trail du Calvaire à Ramon parce qu'on n'en parle pas mal. Toute la Au niveau de la radio, c'est le 1er octobre. Vous avez également le samedi 1er octobre la randonnée. Alors ça, c'est VTT. La randonnée des blasons à Apt. Vous avez un 25 km et je crois qu'il y aura Absalon. Donc pour ceux qui sont adeptes du VTT, Absalon, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde du VTT, qui avait fait des championnats, etc. Ce nom me dit quelque chose. À Apt, la randonnée des blasons à Apt. Eh bien, il y a la cheveux, il y a la chevauchée des blasons aussi. Oui, c'est les chevaux. Voilà, ça s'est greffé. Je pense que ça s'est greffé. Mais voilà, ah, c'est greffé ça l'un se à l'autre. Fait. Voilà, il me semble que ça s'est greffé. Donc il y a 25 km avec un 650 mètres de dénivelé. Ça, c'est du VTT. Je vous propose également pour ce dimanche, et ben, en plus de tout ce que vous avez annoncé, il y a également un trail, le trail de Saint-Didier, ce 2 octobre, un 13 ou un 29 km. Il y a un maximum de sentiers, c'est technique, c'est des monotraces, que du plaisir. Voilà. Et puis en plus avec le temps qu'il fait. En plus avec le temps qu'il fait, Saint-Didier. Je crois qu'il est dans du beau temps encore ce week-end. Oui, oui, oui, je vous le confirme. Ensuite, je vous ai également sélectionné pour le dimanche prochain, dimanche 9 octobre, il y a les triades. C'est dans le 84, évidemment. Vous avez deux distances, un 12 et un 23 km. Et le dimanche 29 octobre, toujours pareil, ce même jour, la randonnée de la Val d'Aigue à la Tour d'Aigue. Alors là, c'est du VTT. Vous avez quatre distances, 15 km. C'est pour les gens sans difficulté particulière. Vous avez un 25 km, c'est familial. Un 35 km pratiquant le VTT régulièrement. Et le 45, alors là, voilà. Là, c'est physique. Voilà, là, c'est pour, c'est pour tous ceux qui sont vraiment physiques. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Je remercie Josie. Merci. Je remercie Claudie. Je remercie également Magali, notre invitée. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée vendredi de 14 à 15h. Oui, parce qu'il y a 15 jours, on s'était trompé. J'avais dit d'horaire, 15h, donc alors qu'on est resté à l'horaire. Voilà, de c'est l'an de dernier. 14 à 15h. Nous avons un nouveau rendez-vous mercredi prochain, 5 octobre. Alors là, vous aurez un invité surprise. C'est l'émission est à 10h. Je vous dis bye bye. On a passé une super matinée avec vous et je vous souhaite une bonne journée. À la semaine prochaine. Et bonne semaine. Merci Magali, merci à toutes les filles. Merci à vous.